Chapitre 2. La conquête romaine. Il paraît au premier abord bien surprenant que parmi les 1000 cités de la Grèce et de l'Italie, il s'en soit trouvé une qui ait été capable d'assujettir toutes les autres. Ce grand événement est pourtant explicable par les causes ordinaires. Qui déterminent la marche des affaires humaines. La sagesse de Rome a consisté, comme toute sagesse, à profiter des circonstances favorables qu'elle rencontrait. On peut distinguer dans l'œuvre de la conquête romaine deux périodes. L'une concorde avec le temps où le vieil esprit municipal avait encore beaucoup de force. C'est alors que Rome eut à surmonter le plus d'obstacles. La seconde appartient au temps où l'esprit municipal était fort affaibli. La conquête devint alors facile et s'accomplit rapidement. Premièrement, quelques mots sur les origines et la population de Rome. Les origines de Rome et la composition de son peuple sont dignes de remarque. Elles expliquent le caractère particulier de sa politique et le rôle exceptionnel qui lui fut dévolu, dès le commencement au milieu des autres cités. La race humaine était étrangement mêlée. Le fond principal était latin et originaire d'Albe. Mais ces Albains eux-mêmes, suivant des traditions qu'aucune critique ne nous autorise à rejeter, se composaient de deux populations associées et non confondues. L'une était la race aborigène, véritable latin, l'autre était d'origine étrangère, et on la disait venue de Troie, avec Énée, le prêtre fondateur. Elle était peu nombreuse, suivant toute apparence, mais elle était considérable par le culte et les institutions qu'elle avait apportées avec elle. L'origine troyenne de Rome était une opinion reçue avant même que Rome fût en rapport suivi avec l'Orient. Un vieux devin, dans une prédiction qui se rapportait à la Seconde Guerre punique, donnait aux Romains l'épithète de Trojugena. Ces Albains, mélange de deux races, fondèrent Rome en un endroit où s'élevait déjà une autre ville, Pallantium, fondée par des Grecs. Or la population de Pallantium subsista dans la ville nouvelle, et les rites du culte grec s'y conservèrent. Il y avait aussi à l'endroit où fut plus tard le Capitole, une ville qu'on disait avoir été fondée par Hercule, et dont les familles se perpétuèrent distinctes du reste de la population romaine pendant toute la durée de la République. Ainsi à Rome, toutes les races s'associent et se mêlent. Il y a des Latins, des Troyens, des Grecs. Il y aura bientôt des Sabins et des Étrusques. Voyez les diverses collines, le Palatin et la ville latine, après avoir été la ville des Vendres. Le Capitolin, après avoir été la demeure des compagnons d'Hercule, devient la demeure des Sabins de Tatius. Le Quirinal reçoit son nom des Quirites Sabins ou du dieu Sabin Quirinus. Le Coelius paraît avoir été habité dès l'origine par des Étrusques. Des rois noms des tribus primitives, les anciens ont toujours cru que l'un était un nom latin, l'autre un nom Sabin, le troisième un nom Étrusque. Rome ne semblait pas une seule ville. Elle semblait une confédération de plusieurs villes, dont chacune se rattachait par son origine à une autre confédération. Elle était le centre où latins, étrusques, sabelliens et grecs se rencontraient. Son premier roi fut un latin, le second un sabin. Le cinquième était, dit-on, fils d'un grec. Le sixième fut un étrusque. Sa langue était un composé des éléments les plus divers. Le latin y dominait, mais les racines sabelliennes y étaient nombreuses, et on y trouvait plus de radicaux grecs que dans aucun autre des dialectes de l'Italie centrale. Quant à son nom même, on ne savait pas à quelle langue il appartenait. Suivant les uns, Rome était un mot troyen, suivant d'autres un mot grec. Il y a des raisons de le croire latin, mais quelques anciens le croyaient étrusque. Les noms des familles romaines attestent aussi une grande diversité d'origine. Au temps d'Auguste, il y avait encore une cinquantaine de familles qui, en remontant la série de leurs ancêtres, arrivaient à des compagnons d'aînés. D'autres se disaient issus des Arcadiens des Vendres, et depuis un temps immémorial, les hommes de ces familles portaient sur leurs chaussures, comme signe distinctif, un petit croissant d'argent. Les familles Potitia et Pinaria descendaient de ceux qu'on appelait les compagnons d'Hercule, et leur descendance était prouvée par le culte héréditaire de ce dieu. Les Tullius, les Quinctius, les Servilius étaient venus d'Albe, après la conquête de cette ville. Beaucoup de familles joignaient à leur nom un surnom, qui rappelait leur origine étrangère. Il y avait ainsi les Sulpicius Camerinus, les Cominius Orancus, les Sicinius Sabinus, les Claudius Regilensis, les Aquilius Tuscus. La famille Nautia était troyenne, les Aurelius étaient sabins, les Caelcilius venaient de Péneste. Les Octaviens étaient originaires de Vélitre. L'effet de ce mélange des populations les plus diverses était que Rome avait des liens d'origine avec tous les peuples qu'elle connaissait. Elle pouvait se dire latine avec les latins, sabine avec les sabins, étrusque avec les étrusques, et grec avec les grecs. Son culte national était aussi un assemblage de plusieurs cultes, infiniment divers, dont chacun la rattachait à l'un de ses peuples. Elle avait les cultes grecs d'Évandre et d'Hercule. Elle se vantait de posséder le palladium troyen. Ses pénates étaient dans la ville latine de Lavinium. Elle adopta dès l'origine le culte sabin du dieu Consus. Un autre dieu sabin, Quirinus, s'implanta si fortement chez elle qu'elle l'associa à Romulus, son fondateur. Elle avait aussi les dieux des Étrusques, et leurs fêtes et leurs augurats, et jusqu'à leurs insignes sacerdotaux. Dans un temps où nul n'avait le droit d'assister aux fêtes religieuses d'une nation, s'il n'appartenait à cette nation par la naissance, le Romain avait cet avantage incomparable de pouvoir prendre part aux féries latines, aux fêtes sabines, aux fêtes étrusques et aux Jeux olympiques. Or, la religion était un lien puissant. Quand deux villes avaient un culte commun, elles se disaient parentes. Elles devaient se regarder comme alliées et s'entraider. On ne connaissait pas dans cette antiquité d'autres unions que celles que la religion établissait. Aussi Rome conservait-elle avec grand soin tout ce qui pouvait servir de témoignage de cette précieuse parenté avec les autres nations. Au latin, elle présentait ses traditions sur Romulus, ou sabin sa légende de Tarpeia et de Tatius. Elle alléguait aux Grecs les vieux hymnes qu'elle possédait en l'honneur de la mère d'Évandre, hymnes qu'elle ne comprenait plus, mais qu'elle persistait à chanter. Elle gardait aussi, avec la plus grande attention, le souvenir d'Énée, car si par Évandre elle pouvait se dire parente des Péloponnésiens, par Énée elle était, de plus de 30 villes, répandue en Italie, en Sicile, en Grèce, en Thrace et en Asie mineure, toutes ayant eu Énée pour fondateur, ou étant colonies de villes fondées par lui, toutes ayant par conséquent un culte commun avec Rome. On peut voir dans les guerres qu'elle fit en Sicile contre Carthage et en Grèce contre Philippe, quelle partie elle tira de cette antique parenté. La population romaine était donc un mélange de plusieurs races, son culte un assemblage de plusieurs cultes, son foyer national une association de plusieurs foyers. Elle était presque la seule cité que sa religion municipale n'isola pas de toutes les autres. Elle touchait à toute l'Italie, à toute la Grèce. Il n'y avait presque aucun peuple qu'elle ne pût admettre à son foyer. Deuxièmement, premiers agrandissements de Rome, 753-350 avant Jésus-Christ. Pendant les siècles où la religion municipale était partout en vigueur, Rome régla sa politique sur elle. On dit que le premier acte de la nouvelle cité fut d'enlever quelques femmes sabines, légende qui paraît bien invraisemblable, si l'on songe à la sainteté du mariage chez les anciens. Mais nous avons vu plus haut que la religion municipale interdisait le mariage entre personnes de cités différentes, à moins que ces deux cités n'eussent un lien d'origine ou un culte commun. Ces premiers Romains avaient le droit de mariage avec Albe, d'où ils étaient originaires, mais ils ne l'avaient pas avec leurs autres voisins, les Sabins. Ce que Romulus voulut conquérir tout d'abord, ce n'était pas quelques femmes, c'était le droit de mariage, c'est-à-dire le droit de contracter des relations régulières avec la population sabine. Pour cela, il lui fallait établir entre elle et lui un lien religieux. Il adopta donc le culte du dieu sabin Consus et en célébra la fête. La tradition ajoute que pendant cette fête, il enleva les femmes. S'il avait fait ainsi, les mariages n'auraient pas pu être célébrés suivant les rites, puisque le premier acte et le plus nécessaire du mariage était la traditio in manum, c'est-à-dire le don de la fille par le père. Romulus aurait manqué son but, mais la présence des Sabins et de leur famille à la cérémonie religieuse et leur participation au sacrifice établissaient entre les deux peuples un lien tel que le connubium ne pouvait plus être refusé. Il n'était pas besoin d'enlèvement. La fête avait pour conséquence naturelle le droit de mariage. Aussi l'historien de Nice, qui consultait les textes et les hymnes anciens, assure-t-il que les Sabines furent mariés suivant les rites les plus solennels, ce que confirme Plutarque et Cicéron. Il est digne de remarquer que le premier effort des Romains eut pour résultat de faire tomber les barrières que la religion municipale mettait entre eux et un peuple voisin. Il ne nous est pas parvenu de légende analogue relativement à l'Étrurie, mais il paraît bien certain que Rome avait avec ce pays les mêmes relations qu'avec le Latium et la Sabine. Elle avait donc l'adresse de s'unir par le culte et par le sang à tout ce qui était autour d'elle. Elle tenait à avoir le connubium avec toutes les cités, et ce qui prouve qu'elle connaissait bien l'importance de ce lien, c'est qu'elle ne voulait pas que les autres cités s'assujettent l'une entre elles. Rome entra ensuite dans la longue série de ses guerres. La première fut contre les Sabins de Tatius. Elle se termina par une alliance religieuse et politique entre les deux petits peuples. Elle fit ensuite la guerre à Albe. Les historiens disent que Rome osa attaquer cette ville, quoiqu'elle en fût une colonie. C'est précisément parce qu'elle en était une colonie qu'elle jugea nécessaire de la détruire. Toute métropole, en effet, exerçait sur ses colonies une suprématie religieuse. Or, la religion avait alors tant d'empire que tant qu'Albe restait debout, Rome ne pouvait être qu'une cité dépendante, et que ses destinées étaient à jamais arrêtées. Albe détruite, Rome ne se contenta pas de n'être plus une colonie. Elle prétendit s'élever au rang de métropole, en héritant des droits et de la suprématie religieuse qu'Albe avait exercée jusque-là sur ses 30 colonies du Latium. Rome soutint de longues guerres pour obtenir la présidence du sacrifice des féries latines. C'était le moyen d'acquérir le seul genre de supériorité et de domination que l'on conçut en ce temps-là. Elle éleva chez elle un temple à Diana. Elle obligea les Latins à venir y faire des sacrifices. Elle y attira même les Sabins. Par là, elle habitua les deux peuples à partager avec elle, sous sa présidence, les fêtes, les prières, les chairs sacrées des victimes. Elle les réunit sous sa suprématie religieuse. Rome est la seule cité qui ait su par la guerre augmenter sa population. Elle eut une politique inconnue à tout le reste du monde gréco-italien. Elle s'adjoignit tout ce qu'elle vainquit. Elle amena chez elle les habitants des villes prises et des vaincus fit peu à peu des Romains. En même temps, elle envoyait des colons dans les pays conquis, et de cette manière, elle semait Rome partout, car ces colons, tout en formant des cités distinctes au point de vue politique, conservaient avec la métropole la communauté religieuse. Or, c'était assez pour qu'ils fussent contraints de subordonner leur politique à la sienne, de lui obéir et de l'aider dans toutes ses guerres. Un des traits remarquables de la politique de Rome, c'est qu'elle attirait à elle tous les cultes des cités voisines. Elle s'attachait autant à conquérir les dieux que les villes. Elle s'empara d'une Junon de Veii, d'un Jupiter de Préneste, d'une Minerve de Falisque, d'une Junon de Lanuvium, d'une Vénus des Samnites et de beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Car c'était l'usage à Rome, dit un ancien, de faire entrer chez elle les religions des villes vaincues. Tantôt elle les répartissait parmi ses gentes, et tantôt elle leur donnait place dans sa religion nationale. Montesquieu loue les Romains, comme d'un raffinement d'habile politique, de n'avoir pas imposé leur dieu au peuple vaincu. Mais cela eût été absolument contraire à leurs idées et à celles de tous les anciens. Rome conquérait les dieux des vaincus et ne leur donnait pas les siens. Elle gardait pour soi ses protecteurs et travaillait même à en augmenter le nombre. Elle tenait à posséder plus de cultes et plus de dieux tutélaires qu'aucune autre cité. Comme d'ailleurs ses cultes et ses dieux étaient, pour la plupart, pris aux vaincus, Rome était par eux en communion religieuse avec tous les peuples. Les liens d'origine, la conquête du connubium, celle de la présidence des féries latines, celle des dieux vaincus, le droit qu'elle prétendait avoir de sacrifier à Olympie et à Delphes, étaient autant de moyens par lesquels Rome préparait sa domination. Comme toutes les villes, elle avait sa religion municipale, source de son patriotisme. Mais elle était la seule ville qui fit servir cette religion à son agrandissement. Tandis que par la religion les autres villes étaient isolées, Rome avait l'adresse ou la bonne fortune de l'employer à tout attirer à elle et à tout dominer. Troisièmement, comment Rome a acquis l'Empire, 350-140 avant Jésus-Christ. Pendant que Rome s'agrandissait ainsi lentement, par les moyens que la religion et les idées d'alors mettaient à sa disposition, une série de changements sociaux et politiques se déroulait dans toutes les cités et dans Rome même, transformant à la fois le gouvernement des hommes et leur manière de penser. Nous avons retracé plus haut cette révolution. Ce qu'il importe de remarquer ici, c'est qu'elle coïncide avec le grand développement de la puissance romaine. Ces deux faits, qui se sont produits en même temps, n'ont pas été sans avoir quelque action l'un sur l'autre. Les conquêtes de Rome n'auraient pas été si faciles si le vieil esprit municipal ne s'était pas alors éteint partout. Et l'on peut croire aussi que le régime municipal ne serait pas tombé si tôt si la conquête romaine ne lui avait pas porté le dernier coup. au milieu des changements qui s'étaient produits dans les institutions, dans les mœurs, dans les croyances, dans le droit. Le patriotisme lui-même avait changé de nature. Et c'est une des choses qui contribuèrent le plus au grand progrès de Rome. Nous avons dit plus haut quel était ce sentiment dans le premier âge des cités. Il faisait partie de la religion. On aimait la patrie parce qu'on en aimait les dieux protecteurs, parce que chez elle on trouvait un prytané, un feu divin, des fêtes, des prières, des hymnes, et parce que hors d'elle, on n'avait plus de dieu ni de culte. Ce patriotisme était de la foi et de la piété. Mais quand la domination eut été retirée à la caste sacerdotale, cette sorte de patriotisme disparut, avec toutes les vieilles croyances. L'amour de la cité ne périt pas encore, mais il prit une forme nouvelle. On n'aima plus la patrie pour sa religion et ses dieux. On l'aima seulement pour ses lois, pour ses institutions, pour les droits et la sécurité qu'elle accordait à ses membres. Voyez dans l'oraison funèbre que Thucydide met dans la bouche de Périclès. Quelles sont les raisons qui font aimer Athènes ? C'est que cette ville veut que tous soient égaux devant la loi. C'est qu'elle donne aux hommes la liberté et ouvre à tous la voie des honneurs. C'est qu'elle maintient l'ordre public, assure aux magistrats l'autorité, protège les faibles, donne à tous des spectacles et des fêtes qui sont l'éducation de l'âme. Et l'orateur termine en disant « Voilà pourquoi nos guerriers sont morts héroïquement, plutôt que de se laisser ravir cette patrie. Voilà pourquoi ceux qui survivent sont tout prêts à souffrir et à se dévouer pour elle. » L'homme a donc encore des devoirs envers la cité. Mais ce devoir ne découle plus du même principe qu'autrefois. Il donne encore son sang et sa vie, mais ce n'est plus pour défendre sa divinité nationale et le foyer de ses pères. C'est pour défendre les institutions dont il jouit et les avantages que la cité lui procure. Or, ce patriotisme nouveau n'eut pas exactement les mêmes effets que celui des vieux âges. Comme le cœur ne s'attachait plus aux prytanées, aux dieux protecteurs, au sol sacré, mais seulement aux institutions et aux lois, et que d'ailleurs celles-ci, dans l'état d'instabilité où toutes les cités se trouvèrent alors, changeaient fréquemment, le patriotisme devint un sentiment variable et inconsistant qui dépendit des circonstances, et qui fut sujet aux mêmes fluctuations que le gouvernement lui-même. On aima sa patrie qu'autant qu'on aimait le régime politique, qui prévalait momentanément. Celui qui en trouvait les lois mauvaises n'avait plus rien qui l'attachât à elle. Le patriotisme municipal s'affaiblit, ainsi et périt dans les âmes. L'opinion de chaque homme lui fut plus sacrée que sa patrie, et le triomphe de sa faction lui devint beaucoup plus cher que la grandeur ou la gloire de sa cité. Chacun en vint à préférer à sa ville natale, s'il n'y trouvait pas les institutions qu'il aimait, telle autre ville, où il voyait ses institutions en vigueur. On commença alors à émigrer plus volontiers. On redouta moins l'exil. Qu'importait-il d'être exclu du prytané et d'être privé de l'eau lustrale? On ne pensait plus guère aux dieux protecteurs, et l'on s'accoutumait facilement à se passer de la patrie. De là à s'armer contre elle, il n'y avait pas très loin. On s'allia à une ville ennemie pour faire triompher son parti dans la sienne. De deux Arguins, l'un souhaitait un gouvernement aristocratique, il aimait donc mieux Sparte qu'Argos. L'autre préférait la démocratie, et il aimait Athènes. Ni l'un ni l'autre ne tenait très fort à l'indépendance de sa cité, et ne répugnait beaucoup à se dire le sujet d'une autre ville, pourvu que cette ville soutînt sa faction dans Argos. On voit clairement dans Thucydide et dans Xénophon que c'est cette disposition des esprits qui engendra et fit durer la guerre du Péloponnèse. À Platée, les riches étaient du parti de Thèbes et de Lacédémone. Les démocrates étaient du parti d'Athènes. À Corcyre, la faction populaire était pour Athènes, l'aristocratie pour Sparte. Athènes avait des alliés dans toutes les villes du Péloponnèse, et Sparte en avait dans toutes les villes lyoniennes. Thucydide et Xénophon s'accordent à dire qu'il n'y avait pas une seule cité où le peuple ne fût favorable aux Athéniens, et l'aristocratie aux Spartiates. Cette guerre représente un effort général que font les Grecs pour établir partout une même constitution avec l'hégémonie d'une ville. Mais les uns veulent l'aristocratie sous la protection de Sparte, les autres la démocratie avec l'appui d'Athènes. Il en fut de même au temps de Philippe. Le parti aristocratique dans toutes les villes appela de ses vœux la domination de la Macédoine. Au temps de Philopémène, les rôles étaient intervertis, mais les sentiments restaient les mêmes. Le parti populaire acceptait l'empire de la Macédoine, et tout ce qui était pour l'aristocratie s'attachait à la Ligue achéenne. Ainsi les vœux et les affections des hommes n'avait plus pour objet la cité. Il y avait peu de Grecs qui ne fussent prêts à sacrifier l'indépendance municipale pour avoir la constitution qu'ils préféraient. Quant aux hommes honnêtes et scrupuleux, les dissensions perpétuelles dont ils étaient témoins leur donnaient le dégoût du régime municipal. Ils ne pouvaient pas aimer une forme de société où il fallait se combattre tous les jours, où le pauvre et le riche étaient toujours en guerre, où ils voyaient alterner sans fin les violences populaires et les vengeances aristocratiques. Ils voulaient échapper à un régime qui, après avoir produit une véritable grandeur, n'enfantait plus que des souffrances et des haines. On commençait à sentir la nécessité de sortir du système municipal et d'arriver à une autre forme de gouvernement que la cité. Beaucoup d'hommes songeaient au moins à établir au-dessus des cités une sorte de pouvoir souverain qui veilla au maintien de l'ordre et qui força ces petites sociétés turbulentes à vivre en paix. C'est ainsi que Phocion, un bon citoyen, conseillait à ses compatriotes d'accepter l'autorité de Philippe et leur promettait à ce prix la concorde et la sécurité. En Italie, les choses ne se passaient pas autrement qu'en Grèce. Les villes du Latium, de la Sabine, de l'Étrurie étaient troublées par les mêmes révolutions et les mêmes luttes, et l'amour de la cité disparaissait. Comme en Grèce, chacun s'attachait volontiers à une ville étrangère pour faire prévaloir ses opinions ou ses intérêts dans la sienne. Ces dispositions des esprits firent la fortune de Rome. Elle appuya partout l'aristocratie, et partout aussi l'aristocratie fut son alliée. Citons quelques exemples. La gens Claudia quitta la Sabine parce que les institutions romaines lui plaisaient mieux que celles de son pays. À la même époque, beaucoup de familles latines émigrèrent à Rome, parce qu'elles n'aimaient pas le régime démocratique du Latium, et que Rome venait de rétablir le règne du patriciat. À Ardé, l'aristocratie et la plèbe étant en lutte, la plèbe appela les Volsques à son aide, et l'aristocratie livra la ville aux Romains. L'Étrurie était pleine de dissensions. Veii avait renversé son gouvernement aristocratique. Les Romains l'attaquèrent, et les autres villes étrusques, où dominait encore l'aristocratie sacerdotale, refusèrent de secourir les Veiiens. La légende ajoute que dans cette guerre, les Romains enlevèrent un aruspice Veiien, et se firent livrer des oracles qui leur assuraient la victoire. Cette légende ne signifie-t-elle pas que les prêtres étrusques ouvrirent la ville aux Romains? Plus tard, lorsque Capoue se révolta contre Rome, on remarqua que les chevaliers, c'est-à-dire le corps aristocratique, ne prirent pas part à cette insurrection. En 313, les villes d'Ossona, de Sora, de Minturne, de Vechkia furent livrées aux Romains et le parti aristocratique. Lorsqu'on vit les Étrusques se coaliser contre Rome, c'est que le gouvernement populaire s'était établi chez eux. Une seule ville, celle d'Arétium, refusa d'entrer dans cette coalition. C'est que l'aristocratie prévalait encore dans Arétium. Quand Hannibal était en Italie, toutes les villes étaient agitées. Mais il ne s'agissait pas de l'indépendance. Dans chaque ville, l'aristocratie était pour Rome, et la plèbe pour les Carthaginois. La manière dont Rome était gouvernée peut rendre compte de cette préférence constante que l'aristocratie avait pour elle. La série des révolutions s'y déroulait comme dans toutes les villes, mais plus lentement. En 509, quand les cités latines avaient déjà des tyrans, une réaction patricienne avait réussi dans Rome. La démocratie s'éleva ensuite, mais à la longue avec beaucoup de mesure et de tempérament. Le gouvernement romain fut donc plus longtemps aristocratique qu'aucun autre, et put être longtemps l'espoir du parti aristocratique. Il est vrai que la démocratie finit par l'emporter dans Rome, mais alors même, les procédés et ce qu'on pourrait appeler les artifices du gouvernement restèrent aristocratiques. Dans les comices par centurie, les voix étaient réparties d'après la richesse. Il n'en était pas tout à fait autrement des comices par tribu. En droit, nulle distinction de richesse n'y était admise. En fait, la classe pauvre étant enfermée dans les 4 tribus urbaines, n'avait que 4 suffrages à opposer aux 31 de la classe des propriétaires. D'ailleurs, rien n'était plus calme à l'ordinaire que ces réunions. Nul n'y parlait que le président ou celui à qui il donnait la parole. On n'y écoutait guère d'orateurs. On y discutait peu. Tout se réduisait, le plus souvent à voter par oui ou par non, et à compter les votes. Cette dernière opération étant fort compliquée, demandait beaucoup de temps et beaucoup de calme. Il faut ajouter à cela que le Sénat n'était pas renouvelé tous les ans, comme dans les cités démocratiques de la Grèce. Il était à vie et se recrutait à peu près lui-même. Il était véritablement un corps oligarchique. les mœurs étaient encore plus aristocratiques que les institutions. Les sénateurs avaient des places réservées au théâtre. Les riches seuls servaient dans la cavalerie. Les grades de l'armée étaient en grande partie réservés aux jeunes gens des grandes familles. Scipion n'avait pas 16 ans qu'il commandait déjà un escadron. La domination de la classe riche se soutint à Rome, plus longtemps que dans aucune autre ville. Cela tient à deux causes. L'une est que l'on fit de grandes conquêtes et que les profits en furent pour la classe qui était déjà riche. Toutes les terres enlevées aux vaincus furent possédées par elle. Elle s'empara du commerce des pays conquis et y joignit les énormes bénéfices de la perception des impôts et de l'administration des provinces. Ces familles, s'enrichissant ainsi à chaque génération, devinrent démesurément opulentes, et chacune d'elles fut une puissance vis-à-vis du peuple. L'autre cause était que le Romain, même le plus pauvre, avait un respect inné pour la richesse, alors que la vraie clientèle avait depuis longtemps disparu. Elle fut comme ressuscitée sous la forme d'un hommage rendu aux grandes fortunes. Et l'usage s'établit que les prolétaires allassent chaque matin saluer les riches. Ce n'est pas que la lutte des riches et des pauvres ne soit vue à Rome comme dans toutes les cités, mais elle ne commença qu'au temps des Gracques, c'est-à-dire après que la conquête était presque achevée. D'ailleurs, cette lutte n'eut jamais à Rome le caractère de violence qu'elle avait partout. Le bas peuple de Rome ne convoita pas très ardemment la richesse. Il aida mollement les Gracques. Il se refusa à croire que les réformateurs travaillassent pour lui, et il les abandonna au moment décisif. Les lois agraires, si souvent présentées aux riches comme une menace, laissèrent toujours le peuple assez indifférent et ne l'agitèrent qu'à la surface. On voit bien qu'il ne souhaitait pas très vivement de posséder des terres. D'ailleurs, si on lui offrait le partage des terres publiques, c'est-à-dire du domaine de l'État, du moins il n'avait pas la pensée de dépouiller les riches de leurs propriétés. Moitié par un respect invétéré et moitié par habitude de ne rien faire, il aimait à vivre à côté et comme à l'ombre des riches. Cette classe eut la sagesse d'admettre en elle les familles les plus considérables des villes sujettes ou des alliés. Tout ce qui était riche en Italie arriva peu à peu à former la classe riche de Rome. Ce corps grandit toujours en importance et fut maître de l'État. Il exerça seul les magistratures parce qu'elles coûtaient beaucoup à acheter. Et il composa seul le Sénat parce qu'il fallait un sang très élevé pour être sénateur. Ainsi l'on vit se produire ce fait étrange qu'en dépit des lois, qui étaient démocratiques, il se forma une noblesse, et que le peuple, qui était tout-puissant, souffrit qu'elle s'éleva au-dessus de lui et ne lui fit jamais une véritable opposition. Rome était donc au IIIe et au IIe siècle avant notre ère la ville la plus aristocratiquement gouvernée qu'il y eut en Italie et en Grèce. Remarquons enfin que si dans les affaires intérieures, le Sénat était obligé de ménager la foule, pour ce qui concernait la politique extérieure, il était maître absolu. C'était lui qui recevait les ambassadeurs, qui concluait les alliances, qui distribuait les provinces et les légions, qui ratifiait les actes des généraux, qui déterminait les conditions faites aux vaincus. Toutes choses qui, partout ailleurs, étaient dans les attributions de l'Assemblée populaire. Les étrangers, dans leurs relations avec Rome, n'avaient donc jamais affaire au peuple. Ils n'entendaient parler que du Sénat, et on les entretenait dans cette idée que le peuple n'avait aucun pouvoir. C'est là l'opinion qu'un Grec exprimait à Flaminimnus. « Dans votre pays, disait-il, la richesse gouverne et tout le reste lui est soumis. » Il résulta de là que dans toutes les cités, l'aristocratie tourna les yeux vers Rome, compta sur elle, l'adopta pour protectrice et s'enchaîna à sa fortune. Cela semblait d'autant plus permis que Rome n'était pour personne une ville étrangère. Sabins, Latins, Étrusques voyaient en elle une ville sabine, une ville latine ou une ville étrusque, et les Grecs reconnaissaient en elle des Grecs. Dès que Rome se montra à la Grèce, 199 avant Jésus-Christ, l'aristocratie se livra à elle. Presque personne alors ne pensait qu'il y eût à choisir entre l'indépendance et la sujétion. Pour la plupart des hommes, la question n'était qu'entre l'aristocratie et le parti populaire. Dans toutes les villes, celui-ci était pour Philippe, pour Antiochus ou pour Persée. C'est le là pour Rome. On peut voir dans Polybe et dans Tite Livre que si en 198 Argos ouvre ses portes aux Macédoniens, c'est que le peuple y domine, que l'année suivante c'est le parti des riches qui livre Opinte aux Romains, que chez les Arcananiens l'aristocratie fait un traité d'alliance avec Rome, mais que l'année d'après ce traité est rompu, parce que dans l'intervalle le peuple a repris l'avantage, que Thèbes est dans l'alliance de Philippe tant que le parti populaire y est le plus fort, et se rapproche de Rome aussitôt que l'aristocratie y devient maîtresse. Qu'à Athènes, à Démétriade, à Phocée, la populace est hostile aux Romains, que Nabis, le tyran démocrate, leur fait la guerre, que la ligue archéenne, tant qu'elle est gouvernée par l'aristocratie, leur est favorable, que les hommes comme Philopémène et Polybe souhaitent l'indépendance nationale, mais aiment encore mieux la domination romaine que la démocratie, que dans la ligue achéenne, elle-même il vient un moment où le parti populaire surgit à son tour, qu'à partir de ce moment la ligue est l'ennemi de Rome, que Diaéos et Critolaos sont à la fois les chefs de la faction populaire et les généraux de la ligue contre les Romains, et qu'ils combattent bravement à Scarphée et à Leucopétra, moins peut-être pour l'indépendance de la Grèce que pour le triomphe de la démocratie. De telles fêtes, disent assez comment Rome, sans faire de très grands efforts, obtint l'Empire. L'esprit municipal disparaissait peu à peu. L'amour de l'indépendance devenait un sentiment très rare, et les cœurs étaient tout entiers aux intérêts et aux passions des partis. Insensiblement, on oubliait la cité. Les barrières qui avaient autrefois séparé les villes et en avaient fait autant de petits mondes distincts, dont l'horizon bornait les vœux et les pensées de chacun, tombaient l'une après l'autre. On ne distinguait plus pour toute l'Italie et pour toute la Grèce que deux groupes d'hommes, d'une part une classe aristocratique, de l'autre un parti populaire. L'une appelait la domination de Rome, l'autre la repoussait. Ce fut l'aristocratie qui l'emporta, et Rome acquit l'Empire. Quatrième moment, Rome détruit partout le régime municipal. Les institutions de la cité antique avaient été affranchies et comme épuisées par une série de révolutions. La domination romaine eut pour premier résultat d'achever de les détruire et d'effacer ce qui en subsistait encore. C'est ce qu'on peut voir en observant dans quelles conditions les peuples tombèrent à mesure qu'ils furent soumis par Rome. Il faut d'abord écarter de notre esprit toutes les habitudes de la politique moderne et ne pas nous représenter les peuples entrant l'un après l'autre dans l'État romain. Comme de nos jours, des provinces conquises sont annexées à un royaume qui, en accueillant ses nouveaux membres, recule ses limites. L'État romain Civitas Romana ne s'agrandissait pas par la conquête. Il ne comprenait toujours que les familles qui figuraient dans la cérémonie religieuse du sang. Le territoire romain, Ager Romanus, ne s'étendait pas davantage. Il restait enfermé dans les limites immuables que les rois lui avaient tracées et que la cérémonie des embarvales sanctifiait chaque année. Une seule chose s'agrandissait à chaque conquête, c'était la domination de Rome, Imperium Romanum. Tant que dura la République, il ne vint à l'esprit de personne que les Romains et les autres peuples pussent former une même nation. Rome pouvait bien accueillir chez elle individuellement quelques vaincus, leur faire habiter ses murs et les transformer à la longue en Romains, mais elle ne pouvait pas assimiler toute une population étrangère à sa population, tout un territoire à son territoire. Cela ne tenait pas à la politique particulière de Rome, mais à un principe qui était constant dans l'Antiquité. Principe dont Rome se serait plus volontiers écartée qu'aucune autre ville, mais dont elle ne pouvait pas s'affranchir entièrement. Lors donc qu'un peuple était assujetti, il n'entrait pas dans un état romain, mais seulement dans la domination romaine. Il ne s'unissait pas à Rome, comme aujourd'hui des provinces sont unies à une capitale. Entre les peuples, elle, Rome, ne connaissait que deux sortes de liens, la suggestion ou l'alliance. Il semblerait, après cela, que les institutions municipales dut se subsister chez les vaincus, et que le monde dut être un vaste ensemble de cités distinctes entre elles, et ayant à leur tête une cité maîtresse. Il n'en était rien. La conquête romaine avait pour effet d'opérer dans l'intérieur de chaque ville une véritable transformation. D'une part étaient les sujets d'Editi. C'étaient ceux qui, ayant prononcé la formule de Deditio, avaient livré au peuple romain leurs personnes, leurs murailles, leurs terres, leurs eaux, leurs maisons, leurs temples, leur dieu. Ils avaient donc renoncé non seulement à leur gouvernement municipal, mais encore à tout ce qui y tenait chez les anciens, c'est-à-dire à leur religion et à leurs droits privés. À partir de ce moment, ces hommes ne formaient plus entre eux un corps politique. Ils n'avaient plus rien d'une société régulière. Leur ville pouvait rester debout, mais leur cité avait péri. S'ils continuaient à vivre ensemble, c'était sans avoir ni institution, ni loi, ni magistrat. L'autorité arbitraire d'un préfectus envoyé par Rome maintenait parmi eux l'ordre matériel.